On peut plus fumer dans les bars. On nous dit de manger 5 fruits et légumes par jour. On peut plus rouler avec tous ces radars. Les impôts augmentent sans arrêt. Mais bon sang, bientôt, on va payer pour respirer. Oh. Au moins, quand j'écoute British Connection, je passe un bon moment. Je découvre de sacrés bons groupes et c'est gratos. En exclusivité, uniquement dans British Connection. Salut, c'est Voto dans British Connection pour vous parler de mon roman graphique Les Bérus riaient noirs, qui sort sur AZM, archive de la zone mondiale. C'est le label des Bérus. Ça raconte l'histoire des Bérus dans son intégralité, du début crado dans le salpêtre des caves jusqu'à la fin, à l'Olympia pendant 3 soirs de fiesta totale. Comme les romans graphiques sont à la mode, je trouvais que c'était une bonne idée d'en faire un sur les Bérus. Il fallait que tout le monde soit content. Alors j'ai vu en précision le contenu de mes pages avec les principaux concernés pour avoir les bonnes dates et l'exactitude des lieux et des souvenirs partagés. Et puis vu les désaccords qui ont chahuté et en même temps composé l'histoire du groupe, fallait faire gaffe. Il fallait évoquer, même si personne ne répondra pareil, pourquoi Fanfan et Laurent, pourquoi la boîte à rythme, pourquoi les conflits intérieurs, pourquoi la pression extérieure et pourquoi ça commence par un enterrement et ça finit sur un suicide sur scène. Ma connexion berrurière commence très jeune. En 3e, j'étais en classe avec Gaboni, le futur batteur du groupe Lucrate Milk, dans un bahut de Saint-Mandé, situé entre Paul Valéry, où allait Fanfan, le chanteur des Bérus, et De Croly, où était Laurent, le guitariste des Bérus, qui deviendra Laurane, des Ramoneurs. Avant de massacrer nos cheveux, on fréquentait un bar dans l'avenue de la République à Saint-Mandé. C'était aussi le quartier général du groupe Téléphone. Les mecs avaient tous 6 ans de plus que nous et ça marchait plutôt bien pour eux dans le rock. Si bien qu'ils nous ont piqué toutes nos meufs. On s'est retrouvés comme des cons dans l'arrière-salle du bar tabac. Et on a bien eu les boules. Violaine, qui était aussi dans notre bahut, est partie jouer dans Lily Drop avec Olive, le meilleur pote de Jean-Louis Aubert, juste après son groupe Nuages Roses. Comme on s'est retrouvés comme des rats morts, on a rejoint les traînards du centre de Paris. Coup de bol, c'était le croisement de plein de trucs, des tremplins punk, des boutiques légendaires, des groupes originaux fascinés par les Anglais qui eux-mêmes étaient fascinés par les Américains. Plusieurs familles de l'Uberlu se croisaient autour de la Fontaine des Innocents. C'était une sacrée époque où tout se transformait en rigolade, en castagne et en œuvre d'art. Tout le monde jouait aux graphistes, aux journalistes, aux musiciens, dans les squats et les radios libres. Nous étions tous doués d'une vivacité permanente. On composait un monde qui se suffisait à lui-même, si bien qu'on n'avait plus besoin de fréquenter le monde normal, où il fallait attendre son tour, prendre un ticket et payer sa place. Les Lucrates faisaient partie de la branche arty du punk français. C'était essentiellement des groupes qui fréquentaient les Beaux-Arts, des groupes dans la suite de Bazooka, les graphistes fous, qui foutaient le bordel dans les colonnes de Libération, à l'époque de Serge Julie. Les punks arty adoraient les performances, c'était pas mal barré, certains enfermaient de la viande dans des valises, d'autres se mangeaient des crêpes sur le crâne. C'était original, destroy, coloré, décalé. C'était le massacre de l'art, des performances débiles qui pouvaient finir mal ou en photo dans le journal. D'autres punks proposaient autre chose, comme du rock martyrisé, du rock industriel ou du rock insultant. Les Bérus, eux, c'était encore autre chose, c'était du rock hurlé, du rock manifeste. Fanfan scandait ses phrases, encore imprimées dans la tête de ceux qui étaient là à cette époque-là. Pour ne pas s'emmerder avec des musiciens défoncés, ils avaient programmé une boîte à rythme qu'ils ont appelée Dédé. À part dans Metal Urbain et dans Suicide, on n'avait jamais vu ça. Avec l'énergie de Laurane à la guitare, tout le monde a été cueilli et on en a pris pour 7 ans. Je vous ai beaucoup parlé de Lucrate parce qu'à la fin du groupe, en 84, 4 Lucrates ont rejoint les Bérus. Marsu, Masto, Lol et Elno. Un manager, un saxo, un clown et Elno, le sale gosse qui hurlait « I love you, fuck off ». Les Lucrates, dans Berrurier, c'était le passage des noirs et blancs à la couleur. Le côté sombre du début est devenu festif et coloré. Les messages décisifs du démarrage se sont ouverts au monde. Je pense notamment à la chanson « Hélène et le sang » qui dénonce le viol à une époque où personne n'en parlait. On écoute cette chanson « Hélène et le sang ». La peur sur la ville, Avec vous depuis 1982. You rock! L'histoire des Berrues que je relate dans mon roman graphique Les Berrues rayées noires raconte l'histoire de toute une jeunesse rejetée qui ne s'est pas gênée pour en faire un maximum dans tous les sens. Alors que l'école privilégie les premiers de la classe, certains derniers rejoignent la mouvance punk rock alternatif où ils se démènent en s'avérant entreprenants et inventifs. Monter des squats, former des groupes, se réunir sur le quai du métro, gribouiller des fanzines et des 4x3 dans la ville, s'emparer des micros ou des radios libres et s'amuser dans les réceptions de la capitale pour pimenter les événements avec du scandale. À force d'en faire trop, ce n'était jamais assez. J'ai aimé cette époque hyper vitaminée. Pendant que mes potes faisaient les guignols sur scène, je gribouillais mes cahiers à spirale jusqu'à la corne. J'ai réalisé un fanzine avec tous les membres de Lucrat Milk. Je parlais des groupes qui composaient notre univers, comme les Coronados, ici Paris, Bernadette Soubirou, MKB, les Ablettes, Anne et les Fils de Joie, les Collabos, les Cafards ou les Cadavres. LOL me passait des crobards, Gabo des collages, Marsu des commentaires et Masto des photos. On vendait mon fanzine Chrysanthème dans les salons de tatouage, dans la cour de Nova à Bastille, dans la rue du Gibus, dans les squats sur une vieille porte posée sur des tréteaux, à la crier dans la rue et au plus de Montreuil en hurlant dans les allées. J'ai réalisé des pochettes de disques à l'époque pour des proches ou pour des compiles punk comme 1984 The First Sonic World War. Je bossais dans d'autres fanzines comme New Wave de Patrice, Agent Orange de Aline, mes potes m'envoyaient les leurs, On n'est pas des sauvages, PLG, Plein la gueule, Creepy Crawly, Le Crapaud Baveux, Vipère, Gloria et tant d'autres. Chez les Berrues, c'est LOL, le bassiste de Lucrat et clown de la faune berrurière qui est devenu le graphiste attitré. Son style percutant et son humour grinçant collaient bien en groupe. En 89, à la sortie de l'Olympia, à la suite des trois concerts qui sonnaient la fin de Berrurier Noir, voire d'une époque, on s'est tous un peu retrouvés orphelins. La dynamique punk s'est essoufflée pour laisser la jeunesse dans les mains du rap. Seuls quelques musiciens sont restés connectés entre eux, mais la plupart des punks se sont éparpillés dans des métiers en tout genre. Moi, j'ai bossé dans la presse, et puis après, j'ai monté une boîte de prod pour sortir des documentaires. En 2018, je suis revenu sur mes souvenirs dans un livre qui s'appelle « Cher Punk ». Cher comme la chair à canon. Ce jeu de mots m'a permis d'associer l'amour que j'ai pour cette période de ma vie et le concept de fragilité de la chair. Ça n'a pas été facile de revenir sur cette période. Disons que cela a réveillé d'anciennes querelles. Mais grâce à la sortie de ce livre, je me suis rapproché de PIND, Punk is not dead, des chercheurs du CNRS qui montaient des journées d'études sur le mouvement punk. J'ai rapidement intégré l'équipe. Cela a été passionnant à chaque fois de débarquer dans une ville en donnant l'occasion aux locaux de se retrouver, voire même de reformer leur groupe punk de l'époque. Pour chaque journée, je réalisais un témoignage filmé de 20 minutes sur un ancien punk qui a compté dans le milieu. Vous pouvez revoir ce travail sur YouTube sous le nom de Punk Fan Club. Et puis le confinement du Covid est arrivé et cela m'a empêché de tourner. Alors je me suis remis au graphisme et je suis parti sur ce projet de roman graphique. Quitte à faire quelque chose, je me suis dit qu'il fallait aborder le groupe qui a marqué le plus. Ça tombait bien, je connaissais les Berrues. J'ai d'abord bossé dans mon coin pour le brouillonner dans son ensemble. Ensuite, je l'ai montré à plusieurs personnes concernées par le sujet. Et une fois que j'étais proche du résultat, j'ai été voir chacun des Berrues pour rectifier ce qu'il ne leur convenait pas. C'était drôle de voir qu'ils n'étaient pas du tout préoccupés par les mêmes choses. En tout cas, je les remercie tous, car ils se sont collés tous à l'exercice et c'était important pour le résultat. Grâce à toutes leurs interventions, on est bien dans les détails et les dates. Marsu a été très minutieux et complice. François très pro et précis, Laurane très pote et pertinent. Masto était plutôt sur le sens et le message global. C'est lui qui a décidé les autres pour que le projet commence. Et en finale, Paria m'a beaucoup secondé pour finaliser le tout. Pour nous tous, il était important de raconter l'histoire à ceux qui ne s'en souviennent plus, mais aussi à ceux qui ne l'ont pas vécu. Cette histoire n'est plus d'actualité et ne pourrait être revécue de la même manière aujourd'hui, mais elle est importante à consulter en apport de référence et d'énergie pour les générations à venir. À cette nouvelle jeunesse de savoir ce qu'ils emmerdent, à cette nouvelle jeunesse d'écrire leur bande-son. Dans la mienne, il y a Parabellum. On écoute tout de suite Noir sur Bleu de Parabellum. C'est pas le moment de faire des formules. Le ton grandiloquent, ça tourne en ridicule. On va pas sortir les mouchoirs. Si on pleure, on s'en fout de qui pourrait nous voir. Un au revoir, un adieu. On ne va pas revoir toutes les règles du jeu. J'avoue, ça m'a cloué le bec. Maintenant, faire sans toi, va falloir faire avec. Moi, je pourrais mourir cent fois sans que jamais ne se noie l'écho de ta voix. Dans ces vers que je lève, ton rêve que l'on partageait. Paraît qu'il y a des pages à tourner. Que le temps nous rend sage, sinon c'est surmonté. On dit c'est la vie, c'est dommage. Dans mon livre d'images, j'ai pas tout colorié. Les au revoir comme les adieux. On les écrit en noir et on les chante en bleu. Maintenant que je te verrai plus, je ne saurai jamais ce que nous sommes devenus. Moi je pourrais mourir cent fois sans que jamais ne se noie l'écho de ta voix. Dans ces vers que je lève, au rêve que l'on partageait. Tu m'appelles, tu sais où me trouver. Là dans nos meilleurs souvenirs, il nous y reste encore de bons jours à finir. Plus un au revoir, un adieu. Je réinventerai toutes les règles du jeu. Je te le promets noir sur bleu. De nouvelles histoires, un nouveau tous les deux. Moi je pourrais mourir cent fois sans que jamais ne se noie l'écho de ta voix. Dans ces vers que je lève, au rêve que l'on partage. Moi je pourrais mourir cent fois sans que jamais ne se noie l'écho de ta voix. Dans ces vers que je lève, au rêve que l'on partage. Moi je pourrais mourir sans toi, sans que jamais ne se noie l'écho de ta voix. Dans ces vers que je lève, au rêve que l'on partageait. British Connection, enfin l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Dans mon roman graphique Les Berrues riaient noires, je raconte l'histoire du groupe dans son ensemble. Car je pense qu'il ne fallait pas oublier d'illustrer le chaos du début. L'aventure qui commence dans la précarité la plus totale. Les premiers petits berruriers vont jusqu'à se foutre royalement de l'histoire du punk anglais, influencé lui-même par le punk américain. Même les premiers groupes français qui baignaient dans l'aventure punk ne comptent pas pour eux. Eux, les petits berruriers, ils restent dans le fond de leur banlieue. leur originalité vient bien de là, de cette ignorance totale du début de l'aventure punk. Ils sont même plutôt rock, bananeux, voire loubar. C'est l'heure de la folie, de la dépression et de l'alcoolisme. Tout cela mène nulle part, mais cela reste les bases d'inspiration de Fanfan, qui va devenir l'un des éléments fondamentaux de la suite de l'aventure. Cette histoire sans lendemain, qui devait sortir des mémoires, va être relevée de justesse par un duo créatif inattendu, Fanfan et Laurent de Guernica. Alors qu'ils se mettent en quatre, pour offrir une fin digne de surprise à l'ensemble des agités présents, la performance accroche et l'enterrement tourne en essence. La suite décolle très vite, chaque concert est un événement. La renommée du groupe gagne les campagnes, le bouche à oreille fonctionne à merveille. Tout ça, c'est avant les réseaux sociaux. Ça marche si bien que ça devient compliqué. L'avant et l'après-concert commencent à bouffer le concert lui-même. Que faire du public trop nombreux? Que faire de la violence qui s'invite? Que dire aux journalistes qui mélangent tout? Les esprits et la dynamique s'enraillent. L'organisation devient plus importante que la spontanéité. Le duo qui vire troupeau devient de plus en plus difficile à gérer. Berrurier Noir ne sait plus où donner de la tête et leurs oppositions s'affrontent. C'était important pour moi de rester dans une narration festive. Même si certains épisodes étaient schizophréniques, je voulais garder l'angle du groupe communicant et du résultat collectif. Tout ce qui leur arrivait était nouveau, mais ils sont toujours restés dans l'énergie. Avant eux, jamais un groupe n'avait tenu aussi bon face aux propositions des majors. Il y en a qui ont dit non, mais ils n'avaient pas autant à perdre que Berrurier. La jeunesse les suivait, alors ils se sont mis à rêver. Et si tous les groupes faisaient comme eux, tenir bon face au système, rester dans l'autoproduction et l'indépendance? Mais personne n'a suivi. Les patrons des labels sont vite revenus au devant de la scène pour signer les suivants. En tout cas, tout le monde se souvient qu'un groupe est resté libre malgré la pression des sirènes du showbiz. C'est l'un des grands succès de Berrurier Noir, en plus de son originalité et de l'évocation de leurs sujets abordés dans leurs textes. Les Berrus pouvaient dire non aux télés, ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient sur Énergie, ils pouvaient refuser les banderoles publicitaires dans leurs concerts, ils pouvaient sortir leurs disques au prix qu'ils voulaient. Bref, c'était un vrai petit village gaulois qui résistait parfaitement. Mon roman graphique est sorti le jour de l'inauguration de l'expo de la BNF sur les archives de Fanfan et Masto. Ça a été une occasion pour nous de tous se retrouver et de se tomber dans les bras. On était contents de se revoir. Ça change des retrouvailles au Père Lachaise. Maintenant, je vais enchaîner plusieurs signatures. La première chez Patrice et Stéphanie de New Wave. La suivante à la librairie Parallèle, la fameuse librairie qui a toujours vendu les fanzines à toutes les époques. À chaque fois que je croise des yeux émerveillés, j'entends des chouettes anecdotes pleines d'énergie en provenance du passé. Un passé qui s'invite dans l'avenir en passant par des moments présents intenses. Mon avenir est plein de projets dessinés, filmés, rédigés. Je souhaite tout cela, bien sûr, dans la rage qui vide de la vache qui rit. Cette même énergie que l'on retrouve dans ce titre que je vous propose d'Angelic Upstarts, Woman in Disguise. Well, that's président de la République, je prendrai le petit bonhomme en mousse pour nouvel hymne national. Moi, président de la République, je rendrai le port obligatoire des Santiago et Perfecto à mes ministres. Moi, président de la République, j'instaurerai 5 jours fériés par semaine pour aller au concert, pogoter et s'éclater entre potes. Enfin, moi, président de la République, je rendrai l'apprentissage du rock obligatoire dès la maternelle avec 20 heures de British Connection par semaine. British Connection, la seule émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. British Connection, l'émission rock, vous propose l'album de la semaine. Découvrez 3 titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. Et c'est la troisième partie et fin de l'album de la semaine. Il s'appelle Kameltos Kotoma et ils seront le 27 avril à Cannes en concert. Retrouvez toutes leurs informations sur leur page Facebook. Aujourd'hui, dans notre rubrique Talents de nos régions. Pour la plus grosse, l'anecdote, c'est qu'on a fait appel à un imitateur youtubeur qui s'appelle Superflame. Et ça faisait un bout de temps qu'on le suivait, on kiffait ses imitations. Et puis un jour, on s'est décidé, on lui a envoyé le morceau, on lui a demandé s'il était chaud pour faire une imitation de Jean-Pierre Pernaut. Et il a répondu direct oui, il a été super réactif et c'est hyper bluffant. Aujourd'hui, dans notre rubrique Talents de nos régions, Jean-Guy Paco et Benoît Giraud nous emmènent à la rencontre d'un entrepreneur d'un nouveau genre. C'est rue des Deux Ponts, dans le 4e arrondissement de Paris, que nous retrouvons Stéphane devant chez lui. À l'aise avec nos caméras, il veut que nous visitions sa nouvelle acquisition, un appartement de 300 mètres carrés. C'est moi, moi qui ai la plus grosse.